9h30 à 11h et le samedi et dimanche de 8h à 14h. Passez faire un tour et découvrez notre ligne de produits cuisinés, le fabuleux chili, la remarquable sauce à spaghetti et le légendaire VG pâté. Fabuleusement sympathique et convivial, comme chez vous. 400 3e avenue Limoilou, lescolocafé-resto.com. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Marc Chaunet à la mise en onde et l'animation. Et on a des invités spéciaux, le groupe Deep Project en entrevue. On a également une foule de nouveautés italiennes ce soir. 6 nouveautés italiennes. Alors, plein de bonne musique. Et on débute avec deux groupes du Québec. Hein, je vous parlais de Deep Project. Et il y a également Carsius. Michel vous présentait en primeur la semaine dernière. Un premier extrait de leur album. Ils vont sortir leur album à la fin août, il me semble. Ils viennent présenter le spectacle donc de lancement au Centre d'art La Chapelle de leur 5e album The Fold. Et on se souvient que Carsius avait fait partie du premier Terra Incognita. Et également Sense, on en parlera tantôt avec Stéphane. C'est drôle parce que c'est les deux premiers groupes là, de ce soir, puis c'est les deux qui étaient là en 2004 quand les spectacles ont commencé. Alors, Carsius, on a la pièce Goodbye de l'album The Fold. Donc, ne manquez pas ça au Centre d'art La Chapelle, c'est vraiment pas cher. Alors, on y va avec une pièce de ce premier album-là, et ensuite, on a Stéphane Desbiens et Jean Gosselin en entrevue pour parler de Deep Project. The morning comes again. Another man has lost a friend. The farmer's wife is dead. She gave him all that she could bear. Crucifix upon a wooden chair. He gave his life, he made his bed. There is a light that still shines deep within his chest that will never be seen again. Take our bones, melting our brains. facing the deep blue sea. The fisherman waiting for peace. The hook sunk deep beneath his skin. The blood and color of his skin. And free from the claw. Goodbye to lost, goodbye to you. Circle of war. My neck surrounded by sadness. Voilà, ce qu'on entendait, c'était Carsius, groupe de Montréal, qui vont présenter leur nouvel album. En fait, c'est au Centre d'art La Chapelle, le 23 septembre, c'est le lancement de l'album. Ça va être un spectacle en deux parties. Il va y avoir la première partie du spectacle consacrée à leur nouvel album, qui font intégralement la deuxième partie aux quatre albums précédents, là, des pièces des quatre albums précédents. Et il y a également, ils font une première partie du groupe légendaire Soft Machine le 8 juillet. Là, ça va être une première partie de 30 minutes. Là, c'est vraiment pas comme le spectacle qu'ils vont donner le 23 septembre. Parlant de spectacle, on aura cet automne un groupe de Québec qu'on aime beaucoup qui seront en spectacle pour présenter leur nouvel album. Et j'ai nommé The Deep Project. Êtes-vous là, les gars? On est très oui. Là. Oh, oui, oui, je vous absolument. Et oui, Stéphane Desbiens et Jean Gosselin, qui me présentent leur cinquième album depuis... Déjà cinq ans. Ouais, depuis cinquième 2006. Album. Hein, ouais, 2006 que le premier album, Shimmering Lights, a été lancé. Donc là, c'est notre cinquième album. Puis parle-nous un peu de la formation qu'il y a maintenant. Oui, il y a eu une évolution au niveau de Deep Project. Donc, on a débuté en 2006 avec des musiciens. Et là, Jean est là depuis 2008. C'est le survivant, si on peut dire. Exact. Et puis là, maintenant, il y a Isabelle Cormier au violon. Et mon fils qui joue de la basse, Philippe Desbiens, qui joue de la basse pour Deep Project. Donc, on est toujours quatre musiciens depuis la formation, depuis 2016, on pourrait dire, là, la formation est là depuis 2016. Donc, le spectacle que vous allez donner là, le 13 octobre prochain, ça va être les quatre. Oui. Puis, vous avez été invité à un festival de musique progressive en France. Oui, absolument, à Prog-en-Beauce. Donc, deux semaines après le spectacle, on va à Prog-en-Beauce, qui est dans la région parisienne. Et puis, on va donner à peu près le même spectacle qu'au lancement qu'on va faire le 13 ici, là, à Québec. Donc, avec beaucoup d'énergie et des surprises. Oui, on a bien hâte de voir ça. Oui, c'est ça, Prog-en-Beauce. La première fois que j'ai entendu parler de ça, moi, je me disais, il y a un festival de prog dans la Beauce, parce que pour ceux qui sont de l'Europe oui, et qui ne savent pas, près de Québec, on a une région qui s'appelle la Beauce. Oui. C'est à peu près bon, une demi-heure, trois quarts d'heure de distance. Là. Puis là, quand j'ai vu ça, finalement, c'est en France. Et c'est ça, ça se déroule à peu près à trois quarts d'heure de Paris. C'est à Pierre. Donc, ça fait un petit peu, on pourrait dire, la Beauce ici. Là. Même nous, on est mêlés un petit peu, là, Jean. Oui, absolument. Absolument. Ça, c'est en campagne, peut-être. mais c'est ça, vous jouez avec en compagnie de Mostly Autumn, oui. Magenta, oui. Monnaie de Singe, qui est un groupe français. Oui. Puis c'était une journée complète, là. Oui, une journée complète. Donc, on peut dire qu'on représente un petit peu le Québec. Absolument. Avec deux groupes anglais et un groupe français. Là. J'imagine on est vraiment fiers. Quand même un bon succès à l'étranger. Oui, c'est disons qu'on est plus écouté ou si on peut le dire populaire là-bas en Europe et même au Japon, aux États-Unis, c'est là que ça pour nous que ça se passe. Et c'est ça. Et là, on essaie de percer au Québec, si on peut dire. Puis même en 2009, on est allé à Marseille, oui. À Prog Sud, puis ça a été vraiment un succès là-bas aussi. Là. Oui, c'est notre deuxième fois en France. On s'est dirigé, on est allé en France, c'est notre deuxième prestation là-bas. Donc, c'est ça. Voir les commentaires aussi sur Prog-en-Beauce, les gens ont très, très hâte de nous voir arriver. Là. Vraiment, oui. Je pense qu'ils nous attendent de pied ferme. Vraiment. C'est sûr qu'on pratique fort. Là. On va avoir un bon setup. Oui, vraiment. Là, avec des petites surprises, là, comme on a parlé, on ne dira pas parce que c'est des surprises. Comme Marc, je t'ai parlé tantôt, on avait une belle pièce pour les amateurs de rock progressif. Mais parlant de pièces, là, on va avoir deux pièces là, qui vont être sur cet album-là, qui va sortir, un album intitulé Find Your Sun. Oui. Trouve ton soleil. Trouve ton soleil, c'est ça. Oui. C'est quand même un album noir, même si ça, c'est peut-être le titre dit Trouve ton soleil, mais c'est un album qui a été composé par les paroles par Francis Foy. Qui est mon collaborateur depuis 2006. Et on peut dire que c'est un album quand même assez sombre, un petit peu à la King Crimson. Mais je vous dirais que le groupe va très bien, par exemple. Non, tout va très bien. Oui, on, oui. On, On voit très bien tout le monde, les personnes. Oui, on n'est pas dépressif. Non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est une influence. La grosse influence de cet album, c'est King Crimson. Bon, c'est sûr qu'il y a Pink Floyd, Genesis, comme Deep Project a été associé beaucoup à Pink Floyd avec les autres albums. Là, je dirais que l'influence, c'est King Crimson. Plus avec Sagarmatha Dilemma. Oui, vraiment. Parce que Big Face, il est pas mal différent. Là. Oui. Lui aussi, il y a des bouts King Crimson. Oui, là. Il y a vraiment des pièces, plus. C'est ça. Très performance. Oui. Et ils sont très différents, puis Making Sense, mais là, il y avait un clin d'œil à Sense, là, avec... Vraiment, absolument. La super mais t'as pièce tout compris, Marc, t'as là, tout compris. C'est ce que je te suis depuis le début. Oui, là. Oui, absolument. Et non, mais vraiment, là, c'est King Crimson, la première influence, je pourrais dire, sur cet album-là. Mais si on prend Sagarmatha Dilemma, bon, on avait la pièce qu'on va faire en spectacle aussi, on fait vraiment un spectacle, on va dans tous les albums. Dans tous les albums, oui. Oui, absolument. C'est et bon. On prend ce qu'on pense, les meilleurs tunes de chaque album, ceux qui sont, on voit qui ont suscité le plus de réactions, et on les fait en spectacle. Là, pour c'est pas juste du dernier album, on va dans tous les albums. Là. Mais parle-moi de cette pièce-là, la première pièce, Tell Me, justement. Parle-moi. Oui, c'est un mélange de King Crimson, de Wake of Poseidon et de avec le mélotron. Il y a beaucoup de mélotron dans le dernier album. Puis du violon électrique. Là, oui, le violon avec Isabelle Cormier qui amène une touche vraiment spéciale avec le violon qui est omniprésent. Et c'est ça, donc une longue pièce et avec deux mouvements, c'est-à-dire un premier qui est vraiment King Crimson et le deuxième qui on peut dire, goroche plus, si on peut dire, ouais. Avec Jean. on s'est donné sur l'enregistrement. On s'est donné, ouais, ah, absolument. Et on va l'écouter tout de suite, puis on se reparle juste après cette pièce de Deep Project, Tell Me.

Directement d'Angleterre, voyez Sons of Kemet le 3 juillet prochain au Grand Théâtre de Québec. Menée par le multi-instrumentiste londonien Shabaka Hutchins, cette formation viendra présenter les pièces de son troisième album, Your Queen is a Reptile. Avec son jazz acoustique intégrant à merveille les rythmes endiablés des Antilles, le Quatuor offrira une soirée festive à coup sûr le 3 juillet au Grand Théâtre. Billets en vente sur legrandtheatre.qc.ca. Du 28 juin au 1er juillet, Québécois présente en collaboration avec Hydro-Québec et le Mouvement des Jardins la 35e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Cette année encore, des navettes de Québec partiront de la gare du Palais, direction Tadoussac. Informations et réservations sur chansontadoussac.com. Au programme, les trois accords, Clopelgag, Tire le Coyote, Pascal Picard, Delgrès, Mononcle Serge, les Hey Babies et plusieurs autres. Une invitation de la bière Belle Gueule. Retour à Terra Incognita, c'était la musique de Dirty Project. On est avec nos invités ce soir, Stéphane Desbiens et Jean Gosselin. Ben oui. Hey, c'était excellent votre pièce. Ah, merci. Tell me. Oui, c'est merci. Comme tu disais, il y a des influences. Bon, on a des sonorités qu'on reconnaît de King ouais. Crimson, mais ouais, c'est vraiment Dirty Project. Oui, oui, oui. Tout y est. C'est vraiment un mélange. Hein. Ouais. On ramène les vieilles influences vers de nouvelles frontières, si on peut dire, vers de nouvelles choses. Donc, on essaie de mélanger les deux. Puis les gens qui nous suivent depuis longtemps, ben, le son de guitare aussi de Stéphane est là depuis le début. Le violon aussi qui est dominant. Il est là depuis quelques années. Oui. Parce que là, ça faisait quand même 4 ans, là, ouais, dernier disque. Ça va vite, hein. Ah, oui. On pense que, mais il y a des chansons sur le dernier album, Find Your Son, qui date immédiatement après Making Sense. Mais le temps de monter tout ça, le temps de monter tout ça, et c'est ça, et d'être sûr, puis on se remet toujours en question, hein. Ouais. Donc pour faire le meilleur produit possible. Absolument. Donc la concurrence est féroce, donc il faut essayer de faire toujours le mieux qu'on peut, et c'est ça. Alors, vous êtes en spectacle là, pour faire le lancement de cet album-là. Parle-nous de ça. C'est le 13 octobre. Oui, le 13 octobre. Ça va être à La Margelle. C'est au Cégep Sainte-Foy. C'est le 13 octobre, c'est ça. Et il va y avoir un groupe qui reste à confirmer en première partie. Et nous, ben c'est ça. Donc, on va vous donner une espèce de bon show qui va être une suite, parce que après ça, on fait le même show en France. Donc, avec des surprises, et ça devrait déménager pas mal pour les amateurs de rock progressif. Ça commence à 19h30? Oui, les portes ouvrent à 19h30, donc okay. Le premier groupe devrait être en scène vers 20h. Okay, puis les gens qui veulent des billets, c'est sur pointdevente.com? Oui, le pointdevente.com. Donc, c'est déjà en vente? Oui, c'est déjà en vente sur le point. Vous tapez une soirée avec prog avec Deep Project. Et c'est sûr que les billets sont moins chers sur le point de vente. Donc, si vous allez à la porte, ça va être un petit peu plus cher. Et on a même un rabais, parce qu'on offre l'album aussi, que vous allez recevoir le 13, qui sort le 13, finalement, au lancement de l'album. Donc, pour ceux qui sont intéressés, l'album et qui vont recevoir le soir même et le spectacle. Là, Absolument. Pour 25 $ c'est ça. Donc, c'est un super deal. Et je pense que on est très fiers de l'album. On a travaillé fort. Absolument. Et après 4 ans, je pense que ça vaut la peine de se procurer cet album-là. Find Your Son, de Deep Project. Puis ceux qui veulent nous suivre aussi, il y a Facebook, Instagram aussi, oui, qui roule. On est en médias sociaux, on est pas pire. Donc, on a Facebook, Instagram, sur lequel vous pouvez nous suivre. Le site même, le site web de Deep Project. Le site web aussi. De Deep Project. Et puis, c'est ça. On s'habille en. Qu'est-ce qu'on fait? On s'habille en clown et on fait des pitons. Ah, on fait plein de choses, mais. Pour nos fans, on est prêt à tout. Là. On est prêt à tout, c'est absolument, ça. Absolument. Donc, non, on est très, honnêtement, on est très content du résultat du dernier album. Puis, c'est ça. Peut-être qu'il va y avoir. Là, je suis en train de regarder des invités, parce que sur Deep Project, il y a toujours eu des invités surprises un petit peu. Oui. Des noms, des noms. On peut le dire. Ben, oui, tu avais eu un claviériste là, de c'était pas Fred Chandel qui avait. Oui, Fred Chandel. Il y a eu Tony Levin aussi à la basse. Puis c'est toujours masteré par Andy Jackson qui fait le son de Pink Floyd. Donc on s'assure d'avoir quand même un certain niveau de qualité. Et puis là, c'est ça, j'ai certains noms en tête et probablement que ça va débloquer dans les prochaines semaines. Donc l'album est pas encore complètement terminé. Il n'est pas complètement terminé, c'est ça. La pièce qu'on a entendue, puis celles-là sont complètement terminées. Ben, elles sont complètement terminées, okay. Oui, mais il reste le processus de Andy Jackson, okay. Qui va mettre sa touche. La magie, oui, la magie d'Andy Jackson. La magie qui n'avait pas Floyd. Été appliquée. Là, ouais, c'est dans, ça, dans exactement. Et donc, c'est ça, on attend. Il reste peut-être encore un 2 mois de travail, là. C'est pour ça qu'on a pris notre temps et on commence la promotion vraiment mm-hmm. d'avance pour assurer le succès de cet album-là, finalement. Absolument. Mais est-ce que tu nous parles justement de cette pièce-là, Find Your Son? C'est l'autre pièce que tu as choisie. Oui. Je pense que c'est celle que tu as envoyée dans les radios. Là, non, c'est Tell Me. C'est Tell Me, okay. Tell Me, oui, okay. qui joue dans les radios, okay. Prague, ah, International. Oui. Ah, oui, okay. Ouais. Ben, oui. Et, c'est une belle carte de visite. Oui, c'est une carte de visite. On commence tranquillement. Donc, il y a aussi des vidéos qui vont être tournées cet été. Il y a 2 vidéos. Et dont le prochain que vous allez entendre, c'est d'un extrait qui va être. C'est un vidéo. De la pièce titre. De la pièce Find Your Son, oui. C'est peut-être la chanson la plus. La plus élevée de l'album, la plus King Crimson côté élevé. Donc, vous allez avoir un extrait. Mais l'album est toujours très, très... je peux dire qu'il y a de différents... des ambiances. Des ambiances, et ça va de très, très smooth, si je peux dire, excusez-moi l'anglicisme, mais très élevé. Ah, OK, ouais. Donc, puis là, dans cette pièce-là, il y a le côté... C'est le côté élevé qui prédomine, oui, absolument. Et c'est une dénonciation un petit peu. Un petit côté de Francis Foy, le parolier, qui dénonce un petit peu le côté surconsommation, l'environnement et tout ça. Et que moi, j'embarque là-dedans aussi. Là. Je suis très... c'est mon petit côté. Là, ça te rejoint, oui. Ouais, ça me rejoint beaucoup. Et toi, Jean, ça te rejoint aussi? Absolument, absolument. Ouais. Mais, écoute, moi, on est en studio, on produit ces choses-là, on travaille ensemble ces pièces-là. Puis on a vraiment beaucoup de plaisir à travailler en studio parce que on a fini récemment, là, ça fait quoi, une semaine qu'on a fini l'enregistrement en studio? Ça fait vraiment c'est frais, pas longtemps, là, pour c'est nous. Très là. Frais. Fait que, tu sais, le mastering va se faire bientôt. Andy Jackson va tomber là-dessus. Donc, il reste quelques instruments, dont une chorale que je vais enregistrer au Saguenay prochainement, là, dans les prochains jours. Donc, sur 3 tonnes, il va y avoir une vraie chorale, là, vous allez entendre. Et là, on peut nommer les instruments, flûte, violoncelle, violon, basson. Il y a plein d'instruments, là, comme d'habitude sur des projects. Ouais, puis pour donc, ceux qui, c'est très varié. Là, oui. Exact. Puis pour ceux qui nous connaissent, là, pour ceux qui vont venir le 13 octobre, il ne faut pas penser qu'on fait juste du nouvel album. On fait aussi une rétrospective des autres avant. Là, aussi. Ouais. Là. Donc, les gens qui connaissent déjà les albums d'avant, ben, c'est intéressant de venir voir le show. C'est ça. On fait toutes nos entre parenthèses, nos gros hits. Oui, exact. Exact. Alors, ça va être pour le spectacle, ça va être très, très... on va être prêts, on va donner tout un spectacle. On a très hâte. Oh, oui, absolument. On travaille là-dessus. Là. On a fini. En fait, l'enregistrement est fait. Là. On travaille sur le show. Là. Exactement. Ouais. Bon, mais c'est un rendez-vous donc le 13 octobre. Oui, à la Margelle. À la Margelle c'est du Cégep Sainte-Foy. Exact. Exactement. Et les billets sont toujours au point de vente. Pointdevente.com. Une soirée avec D-Project. Vous allez voir. Et vous pouvez aller sur nos sites web. Sur notre site web et notre Facebook, Instagram. Vous allez nous trouver facilement. Bien, on écoute cette pièce-là, donc. Parfait, Marc. Merci. Eh bien, là, on va se voir au mois d'octobre. Ben oui, on a déjà. oui. Tu vas être là, Marc? C'est un rendez-vous, je vais être là. Hey, merci. Parfait. Hey, merci à bonne vous. Soirée. Merci, bye-bye. À bientôt. De Deep Project avec la pièce Find Your Son. Deep Project qui sont encore avec nous là. Donc ça c'est leur nouvel album qui va paraître le 13 septembre. On va pouvoir octobre, excusez. Le 13 octobre. Oui, les gars ils me font signe. Laisse-moi encore un peu de chance me préparer pour mon spectacle, finir l'album, etc. La production, tout va être prêt pour le 13 octobre et ça va être à Québec là, à la Chapelle. Voyons pas la Chapelle. Ouh, il est fatigué le gars. La Margelle, voilà. Du cégep Sainte-Foy. C'est là que j'allais, on faisait des pièces de théâtre. Ou... Il y a déjà eu, je pense, des cégeps en spectacle, là aussi, à la Margelle. Alors, c'est le 13 octobre. Et puis, je parlais en début d'émission d'un autre groupe québécois, le Carcius. C'est le 23 septembre à la Chapelle, cette fois-là. Et eux aussi, c'est leur cinquième album. C'est drôle parce que c'est deux groupes, comme je le disais tantôt, qui étaient là à la toute première convention Terra Incognita en 2004. Sense là, était pas mal en tête d'affiche. Je pense qu'il y avait déjà plus d'un album à ce moment-là. Puis ça a été un des derniers spectacles de Sense à ce moment-là. Il y avait deux albums. Et puis l'année d'après, Stéphane était venu présenter The Deep Project Shimmering Light à la deuxième convention Terra Incognita, puis de Sakarmata en 2008. Après ça, c'est devenu plus international là, parce que, en tout cas, il semble que le public veut avoir des groupes internationaux. Donc, pour que les groupes québécois aient la chance de se produire, ben, il faut aussi qu'il y ait des groupes internationaux. C'est peut-être la même chose un peu partout. J'imagine que c'est peut-être ça pour Monnaie de Singe là, au festival Prog en Beauce. Là, que c'est pas en Beauce au Québec, mais en Beauce en France. Alors, on y va hein, ce soir avec un paquet de nouveautés italiennes. Je ne sais pas si vous aimez le prog italien, moi c'est mon cas. Dans les derniers mois, là, il y a eu un paquet d'albums qui sont sortis. Celui qui a été mon coup de cœur, c'est un album très orchestral qui est fait avec des musiciens de La Coscienza di Zeno, deux musiciens de ce groupe-là, et deux musiciens de Il Tempio dell'Ecclesia. Et c'est un album qui s'intitule Arrivederci Sogni. Ça veut dire « Au revoir les rêves ». Et c'est l'album, le nom du groupe, c'est « La Dottrina degli Opposti », donc « La Doctrine des Contraires ». Et c'est un album qui contient beaucoup d'instrumentation, comme je le disais, très classique, beaucoup d'arrangements. Et c'est assez prog traditionnel, italien, dans le style. Et c'est le chanteur de... et le Tempio de l'Ecclésidrée qui est sur ça. Je dois dire que ça a été un de mes coups de cœur. Alors, je vais débuter avec une pièce de la Dottrina degli Opposti. Ensuite de ça, une autre nouveauté italienne, Holocene. Ça, c'est sur Black Widow. C'est leur deuxième album. Cette fois-là, c'est chanté en anglais. Puis, c'est un concept qui est basé sur une nouvelle de Shakespeare. Et dans la pièce qu'on va entendre, la pièce The Worm, c'est un texte de Edgar Allan Poe. Puis sur cet album-là aussi, il y a un cover de Gentle Giant, The Moon is Down. C'est un album assez intéressant, The Holocene. Et on y va avec ça. Puis on aura la nouveauté de Il Bacio della Medusa aussi. Ça, c'est leur quatrième album. Et l'album S'aimer, ça vient de sortir, c'est hier en fait, c'est paru hier. Alors on y va avec La Dottrina degli Opposti et Il Bacio della Medusa. Thank you. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Le Palais Montcalm Maison de la musique vous offre le meilleur du jazz fusion avec Snarky Puppy. Pour ce collectif aussi éclectique qu'explosif, chaque concert est un projet différent. Le fondateur et bassiste Michael League, entouré d'une dizaine de musiciens, vous réserve une soirée unique lors de leur prochain passage à Québec. Le 27 juin, vivez la musique à son meilleur avec Snarky Puppy. Détails au palaismontcalm.ca. Et de retour à Terra Incognita. Alors, ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était la nouveauté du groupe italien Il Baccio della Medusa. Et leur nouvel album S'aimer, c'est paru hier, le 15 juin, et c'est leur quatrième album. On avait beaucoup aimé le second, là. Le troisième j'avais un peu moins aimé, mais j'ai bien hâte d'entendre celui-là. Donc ça, c'était la pièce Fuori dalla finestra, il tempo è disparì. Et juste avant, c'était le nouveau groupe italien La Dottrina degli Opposti. Et l'album Arrivederci Sogni, et c'était la pièce Sulla Via del Ritorno, c'est sur le chemin du retour. Alors, on a encore plusieurs nouveautés italiennes dans le prochain bloc, quatre nouveaux groupes. Holocene, dont j'ai parlé un peu tantôt, c'est un nouveau groupe, ça chante en anglais pour celui-là, c'est leur second, c'est sur Black Widow, c'est sorti le 6 juin, et il y a sur ça, c'est un concept basé sur une nouvelle de Shakespeare, et sur la pièce qu'on va entendre, The Worm, il y a un texte d'Edgar Allan Poe, c'est basé sur un texte d'Edgar Allan Poe. Ensuite, un groupe qu'on découvre grâce au magazine, pas au magazine, mais en fait le livre que Michel Bilodeau a écrit, Rock Progressivo Italiano Volume 1, et c'est le groupe Il Sentiero di Taos, et leur second album paru cette année, Macro Cosmi. Et il y a plusieurs belles découvertes sur cette... Il y a une compilation, en fait, musicale qui vient avec le livre. Puis, il y a des entrevues avec tous ces groupes-là. Donc, on apprend à connaître plein de groupes. Ce groupe-là, en particulier, ils ont profité de la participation de Fabio Zuffanti à la réalisation de cet album-là. Donc, Macro Cosmi, on aura une pièce de ça. Et également, on aura une pièce du nouveau groupe Una Stagione all'Inferno. C'est une saison en enfer. Et c'est leur premier album, Il Mostro di Firenze, le monstre de Florence. Et on aura la pièce Il Dottore, le docteur. Alors on y va tout de suite avec Holocene, Il Sentiero di Taos et Una Stagione all'Inferno. Thank you. sees it not. Through a circle of ever return of pain to the same spot. An match of madness and horror of sin and horror, the soul of the lot. From a seguimi, ho la via che fa per te. 11 complici seguono, impavidi lottano e cantano assieme a me. Unisciti e mangia anche tu con noi. Non voglio soldi, non si ha mai. Venditi tutto quel che hai. Quello che voglio è portarti in un luogo, il più importante sicuro che c'è. Il più importante, più bello per me. Se combattere non vuoi, puoi tornartene dai tuoi. Ti chiamerò uomo della caverna, mentre mi godo la mia era moderna. memoria ogni cosa e la mia anima. La notte è calata oramai. Oggi non ricordo più nulla, ma il cerchio di pietra è spezzato per sempre. Nella mia testa la fiamma maligna è una rosa scarlatta e mi nevio perché. Ora il supplizio Sur les ondes de CKRL, à l'émission Terra Incognita, c'était The Samurai of Prague, un album paru en tout début d'année, Archive Iron. Et il y avait comme invité sur cette pièce-là, c'était la pièce Keep the Ball Rolling. Et comme invité, donc le claviériste Octavio Stamparia et le guitariste Brett Cole, c'est le guitariste de Ecolin, un groupe américain. Donc, c'est un projet international, en fait, avec Marco Bernard à la basse. C'est lui qui est derrière tous ces projets-là. Il y a Kimo Posti qui fait les percussions, Stephen Roux, violon, flûte. Et il y a plusieurs vraiment bonnes pièces sur ça. Il y a plein de contributions, des pièces qui sont inédites, en fait. Des nouvelles compositions, des pièces inédites, beaucoup de participation de Lalo Hubert de Nexus. Sur quelques pièces. Il y a le chanteur original de Zarathustra, Stefano Lupo Galifi, sur une pièce, Cristalli. Il y a plein de bonnes pièces sur ça, intéressant. Alors, on avait juste avant le groupe italien, un nouveau groupe, Il Sentiero di Taos. Alors, c'était Una Stagione all'Inferno, pardon. Oui, une saison en enfer. Et l'album Il Mostro di Firenze, le monstre de Florence. Et c'est un nouveau groupe, c'est sur Black Widow. Ça vient juste de sortir. Et juste avant, il y avait Il Sentiero di Taos. Ça, c'est un groupe italien aussi, dont on peut lire une entrevue là, dans le nouveau livre que Michel a écrit sur le rock progressif italien, volume 1. Il y a une compilation sur ça en plus. On a ces pièces-là. C'est de l'album Macro Cosmosi. Et sur cet album-là, il y a Fabio Zuffanti qui a participé, qui a aidé le groupe, là, finalement, à améliorer finalement la façon de rendre leurs pièces. Et le groupe parle de ça. Juste avant, on avait eu Holocene, un nouveau groupe également. C'est leur second album. Ça aussi, c'est sur Black Widow. Et c'était la pièce de Worm. On entend après ça, on y va avec une autre nouveauté italienne, Ranestran. Ranestran, en fait, ils ont plusieurs albums, c'est leur cinquième album. Mais celui-là, c'est la fin d'une trilogie, Space Odyssey, c'est Final Part. Donc, Star Child. Et dans les nouveautés italiennes, moi, c'est peut-être celui que j'ai un peu moins aimé, là, les nouveautés du dernier mois et quelques. Ranestran, mais quand même, il est surprenant bien coté sur plusieurs sites là, de critiques, le chronique du prog. Alors, on ira une pièce de Ranestran, la pièce Sognero Mai. Ensuite, on a le groupe américain Perfect Beings, un autre extrait là, de leur nouvel album Veer. Leur troisième album, super bon quand même, pour ceux qui aiment un style Yes moderne. Et ensuite de ça, une découverte que j'ai faite de la Finlande grâce au magazine Progressiste numéro 92. On lit des chroniques, hein. Il y a 130 pages de chroniques, je pense. Juha Kuhanpa, mais vous irez voir sur notre site internet là, pour les prononciations, puis le nom même le nom de l'album, je ne me risquerai pas à le dire, mais il semble que ça veut dire à vos souhaits. Donc, on aura une pièce de Juha Kuhanpa, et je la prononcerai pas. Et voilà, on y va tout de suite en musique avec Ranestran. Mai, ed ho il terrore a sbagliare. spegnermi, spariranno i numeri, sognerò mai. Che nella missione potrei rinfondere. Ti prego, puoi smettere. Ora è così miliardi di giorni che una coscienza umana hanno portato in me. Cancellerai. Dal primo impulso che hai inviato, sostanzialmente non ho dormito mai. suono. Stelle immobile, nata con l'uomo, grida potente il monito, adoro l'ogeria verso Giove. I'm so hollow.